franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, le film Les Amants du Pont-Neuf ou La Malédiction Carax. Artiste maudit, enfant terrible, génie mégalomane, tout a été dit ou écrit sur Carax. Il suffit d'évoquer le nom de ce réalisateur pour qu'une odeur de soufre envahisse l'air. Pourtant, lui se fait rare, figure absente, lointaine, distante. Il ne donne quasiment jamais d'interview, il existe peu de photos de lui. En 30 ans de carrière, il n'a réalisé que 5 longs métrages, mais son ombre plane au-dessus du 7e art, une ombre remplie de paradoxes et de regrets. Ce mystère Carax a pour origine un film à l'ambition folle, Les Amants du Pont-Neuf. Tournage de 3 ans, 3 fois arrêté, budget quintuplé, construction d'un décor hors norme, accident, tempête. L'histoire de ce projet est celle d'une incroyable épopée. Le silence de Carax pendant cette période, la rumeur qui enfle, les sommes folles annoncées dans la presse, transforment cette odyssée en scandale national et marquent une rupture dans l'histoire du cinéma français, celle de l'insouciance. L'histoire des Amants du Pont-Neuf rappelle ainsi à quel point le cinéma est un laboratoire où peuvent et doivent s'éprouver les rêves les plus fous. Cette aventure interroge les rapports complexes entre la liberté artistique et l'impératif économique. La trajectoire de Léos Carax, passé en 10 ans de fils prodigue à persona non grata du cinéma hexagonal, illustre la tension historique de cet art industrie, producteur d'icônes et de mythes en pièces sonnantes et trébuchantes. En seconde partie d'émission, nous reviendrons sur ce film et sur l'œuvre de Léos Carax avec notre invité Serge Kaganski, journaliste spécialiste de rock et de cinéma aux Inrock. Au cours du récit, vous entendrez également des extraits du documentaire d'Olivier Guitton, Enquête sur un film au-dessus de tout soupçon, sorti en 1990, produit par Magic Film Productions. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Mézanob avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attachée de production, Elisa Mar et Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Hélène Langlois. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. J'ai parti vivre à l'hôtel et j'ai écrit un scénario de film. Terrible. Quand on n'aime pas la vie, on va au cinéma. Dans son appartement, il a coupé le téléphone. Il a peint toutes les vitres en noir. Un jour, dans la queue d'une ANPE, il rencontre un ami d'enfance qui fait dans le cinéma et qui lui dit « Pauvre pomme, c'est avec des œufs cassés qu'on fait les meilleures omelettes. Pourquoi tu n'utilises pas tout ton authentique désespoir pour écrire un scénario ?» Alors voilà. Là-dessus, mon héros se met au travail jour et nuit et il reprend goût à la vie. 5 mois plus tard, il apporte son scénario au centre et comme on refuse de lui filer le fric pour son projet, il se flingue. Léos Carax, je suis obligé de vous considérer comme un jeune cinéaste, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, jeune cinéaste? Ça semble pas très évident. Jeune cinéaste, tout simplement de par mon âge dans le cinéma. Pourquoi vous avez l'air aussi triste? Je suis pas triste, c'est le festival peut-être qui est pas gay. Est-ce que le désespoir est un bon moteur pour faire du cinéma? Je sais pas, j'ai jamais été désespéré. Nous sommes en décembre 1981. Ailleurs se tient le festival du jeune cinéma français. Parmi les réalisateurs sélectionnés, un certain Léos Carax, venu présenter son premier court-métrage, Strangulation Blues. Il porte le visage de ses 20 ans, un long manteau informe et affiche une personnalité ambiguë, trahie par ce phrasé murmuré, saccadé qui oscille entre assurance et distance. Il a ce pseudo aussi, Léos Carax, choix assez rare chez les réalisateurs pour être souligné. En fait, jeu identitaire, volonté d'éloignement, déjà. On sait peu de choses de la jeunesse de Léos Carax. Né Alexandre Dupont le 22 novembre 1960 à Suresnes, d'un père journaliste scientifique et d'une mère américaine critique de cinéma, après le bac, il passe son temps entre les salles obscures de la Cinémathèque et les bancs de l'Université de cinéma à Sancier, où il suit les cours des deux Serge, Dané Toubiana, rédacteur en chef au Cahier du cinéma. Il commence à écrire dans la célèbre revue. Expérience de courte durée. Après seulement quelques papiers, il propose un article qui va contre la ligne éditoriale du mensuel. Fin de la collaboration. C'est à ce moment précis qu'il s'attaque à la réalisation de son premier court-métrage et qu'il enchaîne rapidement avec son premier long, Boy Meets Girl, sorti en 1984. Cet amour qui m'a saisi à l'instant où mes yeux t'ont vu. À cet instant, je te reconnaissais comme on reconnaît ce qu'on est destiné à aimer. Je te dis pour la première, la dernière fois, je t'aime, Mireille. Comme rien d'autre au monde. Ton corps, quand je pense, il va vieillir. Les seins qui pourrissent, des rides en plus, Mireille. Au ventre, sous les fesses. Mais l'amour, tu comprends, Mireille. Sans jamais s'en vouloir de s'aimer. Sans aucune méchante musique dans la tête, hein. Tu me dis viens, je viens. Tu souris, je souris. Et aussi longtemps que tu le voudras, nous dormirons ensemble. Je voudrais travailler avec toi, oui. Former avec toi une équipe, oui. Génial, imbattable. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance. On est des lions. Tourné dans un noir et blanc crépusculaire, le film suit le personnage d'Alex, joué par Denis Lavant, successeur pressenti du duo Truffaut-Léo. Oh, c'est la plus simple des histoires, hein, celle d'un amour impossible entre un jeune garçon et une jeune fille sur fond de musique rock, de danse et de poésie, mais le style Carax s'affiche d'emblée. Dans un même mouvement, il parvient à lier l'héritage des maîtres passés, on pense au cinéma muet, à Méliès, à la Nouvelle Vague aussi, et l'énergie de son époque. Dans ce premier film, Léos Carax est entouré d'une équipe de fidèles qui l'accompagneront de nombreuses années. Un acteur d'abord, Denis Lavant, qui impose son jeu et son physique avec un sens aigu du tragique et du cabotinage. Un producteur, Alain Dahan, et un chef opérateur, Jean-Yves Escoffier, véritable co-auteur, frère protecteur de Léos Carax. Ensemble, ils partent à l'assaut du cinéma français. Sélectionné au Festival de Cannes, Boy Meets Girl reçoit un formidable accueil critique. On salue la naissance d'un talent rare qui fait cohabiter invention plastique et pure émotion. Du coup, Carax poursuit sa route et ne rencontre aucune difficulté pour financer son second long métrage, Mauvais sang, qui sort en 1986. Il retrouve l'équipe du film précédent, agrémentée de la présence d'un acteur célèbre, Michel Piccoli, et d'une jeune actrice en pleine ascension, Juliette Binoche. Encore une histoire d'amour, cette fois sur fond de polar d'anticipation. Tourné en studio, le cinéaste opte pour la couleur. Et quelle couleur ! De nouveau, la photographie d'Escoffier et la réalisation de Carax font merveille. Certaines scènes, comme le saut en parachute ou le travelling de la course d'Alex sur du David Bowie, se gravent dans la mémoire d'une génération de cinéphiles. Marc, tu me donnes un baiser pour aider le sommeil. Ok. Tu me dis je t'aime. Pas là. Je peux pas. Mais si, dis-le. Ça résonne dans mes rêves. Pas ce soir, Anne. Mais si. Justement si, Marc. Merde. Tu l'as déjà dit. Redis-le, c'est tout. Alors dis je ne t'aime pas. Non, dis je t'aime. Dites-le. Ah non, vous aussi. L'amour. Dites je t'aime. Je t'aime. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, L'amour moderne, par David Bowie. Mauvais sang reçoit le prestigieux prix Louis Deluc en deux longs métrages. Léos Carax, sa précocité et sa parole, rare, lui valent rapidement le titre de jeune prodige du 7e art. La presse spécialisée en fait le chef de file d'un cinéma d'auteur français qui balbutiait depuis quelques années. Un peu hâtivement, on le classe chez les néo-baroques en compagnie de Luc Besson et de Jean-Jacques Benex, parangon du cinéma à l'esthétique publicitaire typique des années 80, tiraillé entre la crise, le tournant de la rigueur et l'explosion du marketing et du clip. Léos Carax est lancé, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Tu vas faire un film, là ? Hein ? Juillet. En juillet ? Comment tu vas l'appeler ? J'ai ça ira. C'est bien. En 89. Ça ira. Trop confiant, Léos Carax, devant la caméra de Philippe Garrel. C'est en 1987, pendant la tournée mondiale de Mauvais sang, qu'est née l'idée de ce nouveau film. Comme souvent chez Carax, au départ, il y a une image qui surgit d'un rêve. Ce rêve, il le raconte à Alain Dahan, son producteur. Il lui dit, ben voilà, c'est l'image d'un couple, debout, sur le parapet du Pont Neuf. L'image de ces amoureux qui tombent à l'eau. Ils sont clochards. Ils vivent sur le Pont Neuf, en train de s'enfoncer. Elle est peintre. Et perd la vue, c'est Juliette Binoche. Lui est cracheur de feu, c'est Denis Lavant. Alain Dahan est emballé. Léos Carax écrit le scénario du film qui bouclera sa trilogie des années 80 intitulée « L'amour de la fille et du garçon » incarné par Alex, ce héros autobiographique toujours joué par Denis Lavant. De son côté, Alain Dahan, le producteur, s'en va convaincre Philippe Diaz, son associé sur « Mauvais sang ». Mais ce dernier hésite. Oui, bien sûr, il est ravi du succès de « Mauvais sang », mais il rappelle à Alain Dahan qu'il est toujours en train de rembourser les dettes du tournage. Aurait-il oublié que l'ami Carax a quand même dépassé le budget de 5 millions de francs et que le tournage prévu initialement sur 11 semaines en a duré 30? Alors repartir sur un nouveau film, non. Philippe Diaz lit tout de même le scénario et il le trouve superbe. Alors il décide de suivre Alain Dahan finalement. La séduction opère aussi auprès des financeurs. Les deux hommes bouclent rapidement un budget de 32 millions de francs sur lequel Antenne 2, Gaumont, le CNC, un partenaire canadien et deux Sofica, les banques du cinéma, s'engagent. Tout va donc pour le mieux. Mais comme le titre du film l'indique, un invité de choix pose d'emblée quelques soucis. C'est le mal nommé Pont Neuf, puisqu'il s'agit du plus vieux pont de Paris. Alain Dahan explique. L'idée faite de départ, c'est que Léo aurait souhaité tourner son film entièrement sur le Pont Neuf. Le problème qui s'est posé immédiatement, c'est que dans son histoire, le Pont Neuf, il est barré à la circulation. Alors on a fait des comptes, on a vu combien de temps il faudrait qu'on barre le Pont Neuf. On est arrivé à 2 mois et demi et on s'est dit que c'était pas possible. Alors, après pas mal d'études, on a décidé de construire le Pont Neuf en décor pour tout ce qui est tournage de nuit et tourner sur le vrai Pont Neuf pour tout ce qui est tournage de jour. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Comme il en a l'habitude, Léos Carax travaille beaucoup en amont avec les acteurs. Il souhaite qu'ils s'imprègnent physiquement de leur rôle. Denis Lavant et Juliette Binoche, qui n'est autre que la compagne de Léos Carax à la ville, se plongent donc à corps perdu dans la préparation. Et les deux comédiens se mettent dans la peau des clochards pendant plusieurs semaines dans les rues de Paris. Juliette Binoche fait la manche, dort dans des centres d'accueil. Denis Lavant s'entraîne à cracher du feu, à jongler, à faire des acrobaties. Mais le 4 juillet 1988, c'est le drame. 8 jours avant le début du tournage, au cours d'un entraînement, l'acteur se sectionne le tendon du pouce gauche en bricolant ses chaussures. Le verdict est sans appel, 8 semaines d'immobilisation, la main doit être plâtrée. Catastrophe, la ville de Paris refuse de modifier les dates d'autorisation de tournage sur le Pont Neuf. On propose alors à Léos Carax de changer d'interprète principal. Refus catégorique du cinéaste, il a écrit le rôle en pensant à l'avant, point. Les producteurs se retrouvent donc face à un choix cornélien. Ou ils décrètent l'arrêt total du projet, ce qui coûterait 23 millions de francs en assurance et contrat, ou ils transforment le décor sommaire du Pont Neuf des plans de nuit en une reconstitution totale du pont, pouvant être filmée aussi de jour. Coût de l'opération, 9 millions de francs. Face à ce devis, les assureurs acceptent le deal. Alain Dahan justifie cette option. Moi, Léo, je lui avais dit, je crois qu'on va pouvoir s'offrir le décor. Et je crois que c'était une sorte de cadeau quoi, qui arrivait comme ça du ciel. C'était un cadeau terriblement empoisonné, mais c'était une sorte de cadeau. Producteurs et financeurs viennent de sceller un pacte avec le diable. Avantageuse sur le papier, cette solution est en réalité totalement sous-estimée. Car il faut maintenant reconstruire tout un quartier de Paris en plein cœur de la Camargue. Est-ce que les producteurs ont volontairement réduit l'estimation pour convaincre les assureurs et poursuivre, coûte que coûte, c'est qu'à de le dire, ce film ? La question se pose. Quoi qu'il en soit, pendant que Carax tourne à Paris, des scènes en dehors du Pont Neuf, la révolution est en marche à Lanzargues, village à 10 km de Montpellier. Plus de 300 ouvriers, 40 bulldozers y creusent et bâtissent un quartier entier de Paris traversé par une scène factice. Jour après jour, semaine après semaine, le décor des Amants du Pont Neuf, pièce centrale du film, se transforme en un gouffre sans fond. Le retard s'accumule et l'addition s'envole. Le 15 décembre, 6 mois après l'accident de Denis Lavant, le budget initial est dépassé. Il faudrait encore, estime-t-on, 20 millions de francs pour terminer le film. Carax n'a pu tourner qu'une 30aine de minutes. Les partenaires et les producteurs sont dans l'impasse. Les uns après les autres, ils quittent ce navire à la dérive et Philippe Diaz, le coproducteur, se déclare en faillite. Le tournage est arrêté une 2e fois. le Pont Neuf vient d'engloutir beaucoup d'illusions. Mais oui, dans le scénario, moi je mets absolument tout. Et alors, après je me retrouve devant un truc, je suis complètement incapable de filmer ça. Et puis c'est une lutte entre ça et moi. Il y a comme deux mouvements dans le cinéma qui seraient un mouvement où on va vers ce qu'on ne sait absolument pas faire, ou ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire les étoiles ou la lune. Et puis un mouvement où on rentre très fort à l'intérieur, mais à toute vitesse. On cherche la partie la plus mystérieuse qui est en soi. Alors le scénario, c'est le lieu où s'affrontent ces deux mouvements. Et après on tourne. Et en tournant, il y a d'autres forces qui arrivent, parce que les gens veulent savoir ce que vous faites. Alors vous êtes en train, vous dites, mais taisez-vous, je suis en train de faire. Vous dites, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et vous dites, mais silence. Et vous n'avez pas envie de dire silence non plus. Même pas moteur à la rigueur. Et puis et les gens vous disent couper tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après vous arrivez avec un film décevant parce que vous avez été coupé à droite, à gauche. C'est pas des questions tellement d'argent, de combien de temps, tout ça, même si ça joue. On vous laisse pas travailler dans votre coin, quoi. Dans les premiers mois de 1989, au sein du petit monde du cinéma, il n'y a qu'un mot d'ordre, il faut sauver le soldat Carax. Alors tout le monde se mobilise au sein des institutions, au ministère de la Culture en tête, en la personne de Jack Lang, pour solliciter les producteurs capables de reprendre un tel projet. Oui, sauf que pas grand monde ne se bouscule. Ils ont tous suivi l'affaire, ils sentent bien que c'est un pari beaucoup trop risqué. Les sommes en jeu et l'imbroglio juridique sont trop importants. Pour les convaincre, Carax commence à diffuser ses premières rushs et là, tous en conviennent. Ils sont sidérants, magnifiques. Pour ceux qui ont vu les images, les amants du Pont Neuf doivent voir le jour. Il faut finir ce film. Comme souvent dans les histoires de cinéma, c'est du côté du Festival de Cannes qu'une solution se présente. Au printemps 1989, sur la Croisette, deux hommes, aussi tombés sous le charme des premières images des amants du Pont Neuf, décident d'entrer dans l'aventure et de sauver le film. Le premier est un financier suisse du nom de Francis Van Buren. Le second, c'est Dominique Vignier, un producteur. Ensemble, ils montent une société bien nommée, Paris à deux, Paris sans S, ça marche aussi avec un S. Ils promettent d'investir une trentaine de millions de francs, nomment un nouveau directeur de production, la personne d'Albert Prévost, et redonnent de l'énergie à toute l'équipe. Le tournage reprend le 25 juillet à Paris, en même temps que les travaux à Lanzargues, en Camargue. Léos Carax respecte le plan de travail. On pense que cette fois, c'est la bonne. En réalité, on déchante très vite. Le chantier a été abîmé pendant l'interruption. Il nécessite l'embauche de 100 personnes supplémentaires. Et les dettes des différents partenaires sont sans fin. En septembre 1989, Van Buren, qui a déjà dépensé 18 millions de francs, jette l'éponge et se retire brutalement du projet. Le décorateur Michel Vandenstein se désole. Un jour, le film s'est arrêté, oui. Ça, c'est de votre faute, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, je crois qu'on a été entouré de voleurs, de gens qui pensaient que les choses pouvaient se faire comme ça. Un jour, on m'a dit que le film s'arrêtait, oui, ça arrivait plusieurs fois d'ailleurs. Au bout d'un moment, on s'habitue qu'un film s'arrête, mais on n'a jamais accepté qu'il pouvait s'arrêter, ce film. Et je pense qu'on a, enfin, violemment, je dirais violemment, on n'a surtout pas accepté que l'énergie qu'on y a mise dans ce décor pouvait passer la trappe. Troisième arrêt de tournage. Le budget initial de 32 millions de francs atteint les 80 millions et on estime qu'il en faudrait encore autant pour finir le film. Léos Carax est abattu. Alors il s'isole, fuit à l'autre bout du monde avec Juliette Binoche. À l'automne 1989, l'enfant prodigue du cinéma français écrit les premières lignes de sa légende noire. Put on your red shoes and Qu'un film coûte plus cher que prévu, ça n'a sans doute rien d'exceptionnel. Mais en l'occurrence, c'est la crédibilité du système de financement français qui est en jeu. Si le film ne trouve pas de repreneur, en effet, comme ça paraît de plus en plus probable, c'est le fonds de soutien, c'est-à-dire l'argent public, qui paiera la facture. Comment un désastre pareil a-t-il pu se produire alors que le ministère veillait sur le projet ? Ces mêmes financiers institutionnels ont accepté de cautionner les devis qui leur étaient présentés sans les vérifier, alors que ces devis étaient systématiquement sous-évalués par la production. Alors pourquoi une aventure passionnante se solde-t-elle par une affaire financière lamentable sous le regard apparemment passif du ministère ? La réputation de génie que Carax s'était taillée suffisait-elle à faire taire tout esprit critique ? Enfin, trouvera-t-on le moyen de sauver le film ? Ou bien Léos Carax sera-t-il définitivement brûlé par les princes qu'il adorait hier ? À l'image de ce billet publié par Marc Weschmann dans le magazine 7 à Paris à la fin de l'année 1989, la presse poursuit son travail de sape. Face au silence de Léos Carax, les rumeurs les plus folles commencent à courir sur les amants du Pont-Neuf. Le réalisateur aurait la folie des grandeurs, il serait mégalomane, tyrannique, incapable du moindre compromis. L'affaire des amants fait la une et devient un enjeu national. Car on pense que cette catastrophe industrielle peut avoir des conséquences sur l'ensemble du cinéma français. Combien de films n'ont pas pu se faire à cause de lui ? En période de crise, les sommes publiées, parfois exagérées, exacerbent des discours sur le thème de la folie de ces artistes subventionnés par nos impôts. De l'autre côté, autour de Léos Carax, sa petite équipe fait bloc, solidaire. Ils refusent tous de s'engager sur d'autres projets au cas où le tournage reprendrait. Ils vont même jusqu'à se cotiser pour payer le gardien du chantier. Juliette Binoche, elle, refuse des films avec Elia Kazan, Robert De Niro et se met une partie de métier à dos. Les observateurs attentifs le sentent, il se passe quelque chose chez ces gens-là. Une sorte d'énergie du désespoir, un souffle transmis par Carax qui les rend prêts à tout miser, à tout risquer pour que le rêve des amants se réalise. D'ailleurs, dès qu'elle en a l'occasion, Juliette Binoche prend la parole pour défendre le projet. Disons qu'en ce moment, moi ce que je ressens c'est une rage de finir. C'est vrai qu'il y a une espèce d'élan assez négatif de la part des gens du métier, bizarrement, contre le film, au lieu d'aider à finir une œuvre qu'on est en train de faire et qu'on est en train d'essayer de finir. Oui. C'est pas évident tous les jours. À la fois, on a de l'espoir parce qu'on monte les roches et qu'il y a de la joie qui sort, quoi, finalement. On est une dizaine à tenir ensemble, point serré, et essayer de mettre le plus d'énergie dedans. Au début de l'année 90, une solution se présente là où on ne l'attendait pas. Un homme se montre intéressé, c'est l'homme providentiel. Il s'appelle Christian Fechner, un type qui dénote dans le milieu du cinéma. Ancien magicien ventriloque, il a commencé à faire carrière dans la musique au milieu des années 60 en lançant les Charlots, groupe de musique comique, enfin présumé, qu'il a ensuite accompagné au cinéma. Il est aussi le producteur de succès populaires, notamment les comédies de Claude Zidi comme La moutarde me monte au nez et L'aile ou la cuisse. Depuis peu, Christian Fechner est riche, très riche. Il vient de vendre son catalogue de films à la Générale des Eaux et a empoché une fortune, plus de 500 millions de francs. Il rencontre Dahan et Carax, puis il se rend à Lanzargues, sur les lieux mêmes du décor, et là c'est le choc. Incroyable, le mirage de ce morceau de Paris au beau milieu de nulle part, quelle aventure, il faut montrer ça sur les écrans. De retour à Paris, il annonce à qui veut l'entendre qu'il est prêt à s'engager personnellement pour reprendre le tournage des Amants. Les institutions et le ministère soutiennent l'initiative de ce garant miracle. Fechner raconte. Le problème qu'il y avait, c'est que les sommes qui avaient été dépensées étaient en partie perdues. D'abord, certaines sociétés étaient en faillite. Donc on a racheté des droits à des syndics de faillite. Le problème était aussi que beaucoup d'efforts financiers qu'avaient fait ces sociétés était entièrement à refaire, parce que le décor avait commencé à être construit, mais entre-temps, il y avait eu du Mistral, il y avait eu enfin des tempêtes, des plaisanteries de ce genre. Donc, pratiquement tout ce qui avait été fait avant était à refaire. Moi, je faisais confiance à Léos Carax. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il ne me mentait pas quand il m'annonçait le nombre de semaines de tournage qu'il avait à faire. Et il s'est avéré qu'il ne m'a pas menti, quoi. En mai 90, les travaux reprennent, ils sont achevés 2 mois plus tard, et le 28 août, Léos Carax reprend le tournage pour la 3e fois. Les incroyables péripéties du tournage, les rumeurs, les déclarations de ceux qui ont vu les premières images, tout concourt à construire le mythe des amants du Pont-Neuf avant même qu'il ne soit terminé. L'attente et l'excitation sont donc immenses. Les journalistes invités du côté de Lanzargue pour voir de leurs propres yeux le décor amplifient le phénomène parce qu'ils reviennent émerveillés. Ce serait donc ça, le cinéma, ce geste insensé, fou, qui peut soulever des montagnes, bâtir Paris à la campagne. Le 8 mars 1991, après plus de 2 ans et demi de tournage et d'interruption, un budget qui a quintuplé puisqu'il leur a coûté finalement 160 millions de francs, dont 60 pour le seul décor du Pont Neuf, Carax s'enferme en salle de montage et le film sort sur les écrans français le 16 octobre 1991. Le jour où je verrai plus rien, tu sais, c'est dans pas longtemps. Tu seras ma dernière image. Tu sais, au fond, je suis presque pressée de vivre dans le noir, noir. Parce qu'aujourd'hui, les choses et les gens, c'est pour moi comme des flammes très floues qui s'agitent devant mon œil. Et j'en ai marre. Même de près, je vois déjà plus les petites choses. Elles sont pourtant les plus belles. Plus excitante. Tiens, par exemple, si tu souris faiblement, je le vois pas. Faut que tu souris franchement. Pour moi, tu dois tout faire en grand. De la nouvelle vague, Léos Carax a retenu la leçon principale, celle de la politique des auteurs. Oh, il l'a sans doute poussé à l'extrême, dans un jusqu'au bouddhisme hautain, sûr de lui. Mais son désir, son regard, son intention doivent être souverains et passer outre les contraintes et les contingences. Il en va de la survie du cinéma comme art. On retrouve cette volonté dès les premières minutes des Amants du Pont Neuf. Le film ne cède pas à l'avalanche d'argent qu'il a engendré. Non, on entre dans l'histoire par la misère la plus crue, dans un style presque documentaire, avec la séquence du ramassage des clochards dans les rues de la capitale. On s'attendait à du Spielberg, on est chez Depardon. Puis la fiction reprend ses droits. Ce sera sur le Pont Neuf. Commence alors un huis clos à ciel ouvert où se déploie cette histoire d'amour entre Alex, le cracheur de feu, et Juliette Binoche, peintre bourgeoise enlaidie, qui perd la vue. Le film entre alors en fusion, celle des éléments contraires, le feu et l'eau. Carax se fait grand artificier, les séquences se succèdent dans un déluge de lumière et de rêves. Le cinéma comme une résistance au monde, lieu de tous les possibles. Alors on danse sur le Pont Neuf sous les feux d'artifice du bicentenaire, on fait du jet ski sur la Seine, on tire au pistolet du haut de la statue d'Henri IV. Au coin du film, la poésie surgit dans une scène sublime. Le troisième personnage, Hans, interprété par Klaus Gruber, emmène Juliette Binoche au musée la nuit pour voir une dernière fois à la bougie un autoportrait de Rembrandt. Scène suspendue d'émotions pures. À aucun moment, Carax ne remet en cause son ambition initiale, celle d'un cinéma poétique et exigeant. Reste maintenant à attendre l'accueil critique et public. Ce film a eu l'appui du ministère de la Culture, de Jack Lang, donc comme chacun sait, nous sommes des contribuables, donc alors, nous sommes coproducteurs. Nous sommes 12 millions à l'avoir coproduit. Alors. Personnellement, je trouve que c'est pas mal, mais il y a des scènes qui sont quand même assez ratées, quoi. Par exemple, la scène du 14 juillet où on les voit faire la fête, etc. Il a voulu faire un moment intense, finalement, je crois que c'est raté, mais le reste, c'est très très bien. Il est là, le film. Alors je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut oublier tout ce qu'on a su sur ce film avant. Je crois qu'il faut arrêter de dire qu'il a coûté cher, c'est plus le moment d'en parler. Maintenant, on le voit, il existe. C'est pas les films romantiques comme on voit habituellement, justement trop fleurs bleues. Non, j'ai bien aimé. C'est un film, je dirais, de cinéma, de pur cinéma, et un film d'amour, de pur amour. Et c'est assez rare. Malgré 800 000 entrées, Les Amants du Pont Neuf est considéré comme un échec, une catastrophe industrielle même. La fin d'une aventure aussi. Entre les membres de la petite équipe de fidèles, c'est la rupture. Entre Léos Carax et Jean-Yves Escoffier et son ami de toujours, quelque chose se brise. Entre Léos et Juliette Binoche aussi, c'est fini. L'actrice raconte la fin douloureuse de cette incroyable épopée. Je le faisais aussi par amour pour Léos. Parce que je le voyais complètement... détruit par cette difficulté à pas pouvoir se mettre debout par moment et je pouvais pas le laisser faire. C'est ce qui fait l'amour. C'est C'est les traversées qui permettent de vraiment jauger ses sentiments et au-delà de ses sentiments. C'était une expérience nécessaire jusqu'au moment où j'ai senti que cette expérience pouvait me détruire. Et c'est là que j'ai arrêté, où je me suis rendu compte qu'il y avait des limites. Je me devais presque, au nom de l'amour, d'arrêter. Pour Carax, plus dur sera la chute. Il est tout simplement blacklisté par l'ensemble de la profession. Plus personne ne veut s'engager sur l'un de ses films. D'ailleurs, il mettra presque 10 ans à faire le suivant, Paula X, nouvel échec critique et public. Puis encore plus de 10 ans pour revenir derrière la caméra avec Holly Motors, sorti en 2012. Mais ce film-là, c'est l'histoire d'une rédemption. Carax y retrouve Denis Lavant et toute la puissance de son cinéma, tout ce désir, cette folie qui avait permis aux amants du Pont-Neuf de voir le jour, renaît. Le film s'ouvre d'ailleurs sur une séquence où le réalisateur apparaît à l'écran en pyjama, comme s'il se réveillait d'un long sommeil, métaphore de son absence. Au milieu du film, Denis Lavant retrouve Michel Piccoli, l'acteur de Mauvais Sang, et Léos Carax de faire dire à ses personnages tout ce qu'il pense de son parcours en montagne russe, chaotique et sublime, comme un ultime pied de nez à ce monde du cinéma qu'il aura tant désiré avant de l'ignorer. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar ? Je continue comme j'ai commencé, pour la beauté du geste. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde. Alors si personne ne regarde plus... France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. aujourd'hui l'histoire chaotique et belle, finalement, des amants du Pont-Neuf, avec notre invité Serge Kaganski. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste de rock et de cinéma aux Un Rock. Alors, dans ce récit, on n'a pas dit une seule fois ce film est beau ou pas beau, parce que c'est pas le rôle du récit, c'est le rôle de l'invité. En revanche, surtout pour un critique de cinéma comme vous. Donc je vous pose la question toute simple, on viendra aux coulisses de tournage après, mais parlons d'abord du film, hein, c'est le plus important. Est-ce un bon film? L'avez-vous aimé? Si oui ou non, pourquoi? Oui, moi je l'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un film magnifique. Alors évidemment, toute cette histoire du tournage de cette production maudite, c'est une histoire qui risquait de phagocyter le film. Après, on a vu le film, aujourd'hui on est 20, 25 ans après, et je pense que voilà, c'est un film qui reste dans l'histoire du cinéma, avec une poésie absolument incroyable. Voilà, c'est un film très romantique, à la fois sur l'amour entre deux êtres, je dirais, qui sont dans la précarité, voilà, qui vivent dans la rue. Elle est une peintre qui est en train de perdre la vue. Donc face à ça, l'histoire d'amour est presque rossée. C'est-à-dire quand on est dans une vie nue, quand on n'a plus rien, qu'est-ce qui reste? L'amour. Donc ça, c'est très très beau. C'est vraiment le cœur romantique du film. Et puis c'est le romantisme, c'est aussi un film sur le cinéma, sur les images, où on a des échos de Jean Vigo, de la Nouvelle Vague. Voilà, c'est un geste plein de panache et avec des scènes voilà extraordinaires qui ont été rappelées dans le récit. Par exemple, le fameux clou du feu d'artifice quand ils se mettent à danser, voilà, pendant les fêtes que de la spectatrice n'avait pas tellement aimé. Oui, il y a une spectatrice qui a pas aimé. Moi, je trouve ça, mais incroyablement lyrique. En plus, il y a une association entre les images, la chorégraphie des acteurs, les musiques utilisées. Je me souviens, on entend Iggy Pop, puis après une chanson arabe. Il me semble que c'est Férouz. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une espèce de métissage des sons, des images, et tout ça explose dans une espèce de cinéma champagne. Voilà, je trouve ça extraordinaire. Et vous avez rappelé aussi, il y a d'autres scènes beaucoup moins spectaculaires, comme quand Binoche va visiter le Louvre de nuit et regarde ce tableau de Rembrandt à la bougie. Oui. C'est bouleversant. On l'a évoqué, ça, d'ailleurs. Voilà, vous l'avez évoqué. Donc, voilà, c'est peut-être un film qui a quelques longueurs, avec sans doute des moments d'intensité inégale. Je dirais que c'est ce que Truffaut appelait un beau film malade. Mais beau, et je pense plus fort que malade. Alors, est-ce qu'on peut, très honnêtement, dégrouper le film et sa qualité de son histoire, de sa polémique? Est-ce qu'il n'a pas été mythifié avant d'exister, finalement? Est-ce qu'on peut faire la césure? Est-ce que vous la faites, vous? Je pense, avec le recul, la distance de l'histoire, du temps, bien sûr qu'on peut faire la césure. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, toute cette histoire incroyable, cette aventure maudite de la production, du tournage, voilà, avec tous ces gouffres financiers, ces trois interruptions, ces trois reprises, effectivement, tout ça, c'est très romanesque, et peut-être, effectivement, ça, le film a été mythifié avant d'être sorti. Après, depuis, on a vu le film, et alors je pense, au moment où il est sorti, effectivement, toute l'histoire chaotique du tournage peut-être se mêlait à la vision du film et se mêlait au jugement ou voilà ce qu'on pouvait ressentir en le voyant. Je pense qu'aujourd'hui, enfin pas seulement aujourd'hui, mais même quelques années après le film et jusqu'à aujourd'hui et pour les temps qui vont suivre, on peut voir le film de manière tout à fait apaisée, en étant déconnecté de cette aventure terrible du tournage qui voilà. C'est un film qui a failli être mort avant d'être né, quoi. Donc voilà, ça aussi, ça participe de son romantisme. Mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, on peut le voir de manière apaisée, vraiment, comme un film, et le regarder comme un film magnifique qui fait partie de l'histoire du cinéma français. Mauvais sang, de Léos Carax, également, était un vrai marqueur de son époque, hein, des années 80. Est-ce que Les Amants du Pont-Neuf, c'est aussi un marqueur des années 80? Est-ce qu'il est typé, années 80? Ça ne veut pas dire qu'il vieillit mal, hein, d'ailleurs, mais est-ce qu'il est typé? Je pense que c'est un marqueur des années 80, d'abord par voilà l'histoire de son tournage, qui est une histoire d'argent, d'échecs financiers. Enfin, on se souvient que l'argent était quelque chose de qui était très mis en avant dans les années 80. Après les années politiques, les années 70, tout d'un coup, les années 80 étaient celles de l'argent. Donc déjà, son contexte, le contexte de sa production en fait vraiment un objet de cette époque. Et je pense que c'est un marqueur parce que c'est il fait partie de cette époque, je dirais, des cinéastes de l'image. Hein. On a cité Benex, Besson. Alors, je pense que Carax est infiniment meilleur cinéaste que les deux noms que je viens de citer. Il y a chez lui une poésie, une fièvre. Enfin, il est habité par quelque chose de très puissant, de très lyrique qu'on sent peut-être moins dans le cinéma des deux autres. Mais c'est une période où les cinéastes sont très attachés à l'image, au visuel. Alors je pense que chez Carax, il n'y a pas que de l'image, il y a aussi du sentiment, du lyrisme. Mais le film est représentatif effectivement de cette époque où on attachait beaucoup d'importance à l'aspect visuel des films. Vous avez consacré votre première une cinéma, Les Un Roc, à Léos Carax, justement au moment de la sortie des Amants du Pont Neuf. Et vous avez réalisé une longue interview avec Christian Feuvray, oui. Ouais. Léos Carax. De Léos Carax. Bon. Vous pouvez revenir sur ce monsieur, Léos Carax, qu'on aimerait un peu plus connaître. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de lui? Écoutez, déjà, je peux vous dire que cet entretien, c'est un des 3-4 plus grands souvenirs de mes 25 ou 30 ans de journalisme. À l'époque, il faut se souvenir, Carax ne donnait jamais d'interview, n'était jamais dans les journaux, jamais à la télévision, jamais à la radio. C'était vraiment le fantôme du cinéma français. On connaissait ses films, lui, on ne le connaissait pas, on ne l'entendait jamais parler, on ne le voyait pas. C'était un peu le Gérard Manset du cinéma. Voilà, si vous voulez, oui, ou le Pynchon, ou le J.D. Salinger. On lui envoie chez lui quelques exemplaires des Un Roc, et quelques jours après, il nous appelle. Donc déjà, c'est grande émotion quand j'ai reçu ce coup de téléphone de Léos Carax. Il nous a donné rendez-vous dans un café qui n'existe plus d'ailleurs, le Cluny, au coin du boulevard Saint-Germain et Saint-Michel, au premier étage, une salle au calme. Alors on va au rendez-vous et avec Christian Feuvray, et je me disais, Léos Carax, on peut s'attendre à tout. Peut-être il va jamais venir ou il va avoir une heure de retard. Il est arrivé absolument à l'heure, très ponctuel. Voilà, avec sa dégaine, je dirais, dégingandée, son pardessus usé, son chien, son chien blanc, son bâtard, qui courait librement, sans laisse. Il s'est assis, il a commandé un lait froid, une vodka, et on a parlé pendant 3 heures. Il était disert. Il était... Parce qu'on a entendu un bout d'interview tout à l'heure, j'aurais pas aimé l'avoir comme invité. Hein. Il répondait avec une demi-phrase. Absolument. Là, il était disert. Il était très disert, on était extrêmement intimidés, déjà par la rareté de l'entretien. Et puis, une fois qu'il était là, on se disait, il va parler peut-être une demi-heure, puis ensuite, il va nous laisser, parce que ça doit être quelqu'un de très timide, qui aime pas beaucoup la presse. Et puis, on avait peur aussi qu'une de nos questions l'indispose, qu'on soit pas à la hauteur. Enfin, on était très intimidés. C'était un mythe, dites-donc. On avait toutes les craintes. Mmh. Pas du tout. Ça s'est très bien passé. Il a parlé, il a été très bavard, très disert, très généreux. C'est quelqu'un qui ne sourit pas, qui a le visage grave, les tempes qui battent. Donc, très, très intense, très charismatique. Mais très généreux de sa parole, et on a parlé de tous les sujets du film, de la production chaotique, du cinéma français, de Binoche, de ses projets, de sa cinéphilie, enfin... Alors, justement, du cinéma français, qu'est-ce qu'il pensait du cinéma français? Je vous pose la question, puisque comme il était blacklisté, un peu marginal, tout en étant important, quel était son regard sur la machine du cinéma français? Il avait un regard très négatif, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, lui ne comprenait pas déjà qu'on l'accuse d'être mégalomane. Lui, il se considérait juste comme un artiste exigeant. Mmh. Et que c'est normal de demander à un artiste d'être habité par son art et de tout faire pour faire aboutir ses œuvres. Donc lui, il était vraiment sur son art. Alors évidemment, il y avait eu tout cet enchaînement de circonstances qui a fait boule de neige et qui a fait que la production du film est devenue ce gouffre financier, mais il n'en était pas responsable. Donc il avait une vision très négative du milieu du cinéma français, d'une partie de la presse aussi. Je me souviens que dans l'entretien, à un moment, il s'en était pris à un journaliste de première ou de studio, je me souviens plus. Et alors les propos étaient à la fois très forts, mais en plus énoncés avec un style, une élocution, enfin dans un français magnifique. Intelligent, quoi, brillant. Voilà, bon. C'était de la littérature quasiment, cet entretien. On l'imagine comme ça. Alors, la fin du film, alors, Carax dit qu'il a voulu offrir à l'équipe du film et à Juliette Binoche, finalement, la fin du film, et il a voulu que la fin du film soit heureuse pour clore cette aventure. Et c'est vrai qu'il était tellement bien soutenu par son équipe. Et puis après la sortie du film, ça s'est un peu brisé. Alors dans cette équipe, il y avait Jean-Yves Escoffier, qui est mort en 2003 d'une crise cardiaque. C'était le véritable frère protecteur de Carax. On va écouter une archive, on va l'écouter. C'était en 1984, au moment de la sortie de Boy Meets Girls. Jean-Yves, alors, moi j'ai pas demandé, enfin, on n'a pas... C'est pas parti, le choix est pas parti de son image des films d'avant. C'est parti de lui. Après, j'ai découvert, c'était peut-être aussi... J'arrive, il a été opéré à 9 ans, à cœur, on lui a retiré le cœur, et puis on l'a remis. Et puis j'ai vu sa cicatrice, parce qu'on a été au hammam quand on préparait le film. Et je me suis dit que, voilà, quoi, si moi j'avais besoin d'une greffe un jour, c'est lui que je demanderais, que si jamais sur le tournage j'allais flancher, tout ça, il me sauverait. Et puis ça a été le cas. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup la vie et les émotions. Et lui, il s'occupe de lumière, c'est ce qui est censé aller plus vite. Bon, c'est pour ça qu'il doit être doué pour l'émotion. Ah, précieux compagnonnage. Hein. Pourquoi, finalement, on a eu une telle solidarité de l'équipe pour finir le film, hein, pour qu'il voit le jour, et qu'après ça s'est cassé? Qu'est-ce qui a pu se passer? Je pense que l'aventure du tournage a été tellement éprouvante qu'à un moment, il y a, je sais pas, comme un baby blues. C'est-à-dire une équipe qui est soudée à la vie, à la mort. Et puis une fois que l'énergie du tournage, de l'aboutissement du projet est passée, les choses retombent et puis voilà, après les choses se délitent. Après moi je ne connaissais pas, j'ai pas vécu ça de l'intérieur, donc voilà, je peux pas en dire beaucoup plus, c'est une hypothèse. En tout cas sur cette interview que vous avez réalisée, qui manifestement a marqué votre parcours professionnel, c'est très bien, vous avez réussi... Et l'histoire du journal aussi, parce que c'était notre première couve cinéma. Et vous avez réussi à décrocher des photos surtout. Voilà. C'est-à-dire, non seulement Carax nous a donné énormément de temps pour cet entretien, alors qu'il faisait jamais d'entretien, mais aussi énormément de temps pour la relecture. Je me souviens, je suis allé chez lui plusieurs fois pour corriger, relire, etc. Et aussi énormément de temps pour les photos. Faut se souvenir qu'il y avait aucune image de Carax, ou peut-être une vague photo, voilà, qui était toujours la même depuis plusieurs années. Et là, il a passé une après-midi avec notre photographe, Renaud Montfourny, et il a fait tout ce qu'on lui a demandé, voilà, dans les rues de Paris, chez lui. Il s'est mis même à un moment torse nu. Voilà, il y a toute une planche où il est torse nu, comme Iggy Pop, un musicien qu'il admire. Et c'était, voilà, c'était vraiment un moment, une rencontre extraordinaire. Pourquoi a-t-il été blacklisté comme ça? Parce qu'après tout, des films chaotiques, ça existe. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette malédiction, Léos Carax? C'est dû aussi à son comportement, à lui-même, à une machine aussi, un système qui n'aime pas les gens qui n'empruntent pas les mêmes chemins qu'eux. Bah écoutez, je pense que d'abord la première raison, c'est le gouffre financier de la production. Voilà, tous les ans. Ça arrive quoi. Ça arrive, oui, mais vous avez vu Cimino avec La Porte du Paradis. Après, il a eu du mal à enchaîner aussi. Donc il y a, voilà, dans le milieu, en tout cas, les producteurs, les financiers n'aiment pas les gouffres financiers. Et je pense que comme Carax, c'est pas quelqu'un de très communicant, hein, quelqu'un de très secret, très mystérieux, qui sourit pas beaucoup. Je pense qu'il a une image, une personnalité qui fait un peu peur. Les financiers, les producteurs qu'ils connaissent pas se disent, il est peut-être ingérable, mais garamineux, quoi. C'est-à-dire que tous les clichés qui circulent sur lui, du coup, prennent réalité. Alors, ce film Holy Motors 2012, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est le film de la résurrection ou pas? Complètement. Ce qui est incroyable avec ce film, c'est que Carax n'a pas fait de film donc depuis Paula X, je sais plus combien de temps, une dizaine d'années. Ouais, deux fois 10 ans, deux arrêts de 10 ans. Voilà, Paula X n'était pas complètement réussi non plus. Et donc là, on se dit, Léos Carax revient, c'est son 5e film. On est 20 ans après Les Amants du Pont-Neuf, ou 25 ans, enfin j'ai pas le nombre d'années en tête exactement, enfin très longtemps après, et quelle est la peur des critiques et des gens qui l'admirent, c'est qu'il soit has-been, quoi, qu'il arrive avec un film ringard, décevant. rapport, Lee Motors est totalement contemporain. C'est un film tout à fait moderne, tout à fait un film des années 2010. Voilà, avec cette histoire très segmentée en plusieurs courts-métrages, quasiment plusieurs séquences courts-métrages, chaque séquence adoptant un genre particulier du cinéma. À travers ça, en filigrane, il raconte sa vie d'artiste. Il y a du transformisme, c'est-à-dire un seul acteur joue une dizaine ou une quinzaine de personnages, tout un discours aussi sur la réalité, la fiction, le virtuel. Il y a cette séquence où Carax fait de la chorégraphie sur fond d'écran avec les électrodes, qui est absolument magnifique, très poétique. Enfin, c'est un film incroyablement contemporain et Carax donc revient avec ce film et il est en avance encore sur tout le monde, 20 ans après sa grande période. Mais qu'en ont pensé le public et la critique? La critique à Cannes, je pense, était largement positif. Je me souviens. Alors, je crois qu'il a pas eu de prix, mais enfin, on sait ce que sont les palmarès cannois. On en a encore eu un exemple hier. Donc, il a pas eu de prix, mais une partie de la critique était tout à fait subjuguée, élogieuse, et le film a plutôt pas mal marché. Dites-moi, quel note, c'est bien quand même, non? Non, ça Ken vous... Loach, c'est bien politiquement, mais enfin artistiquement, c'est un film de plus, quoi. C'est voilà, il a déjà fait ça 10 000 fois. Ouais. Il y avait d'autres films plus excitants. Bon, est-ce que les Oscars, ce sera ma dernière question, pour avoir un ou des héritiers en ce moment? Alors ça, c'est une vraie question. Alors, je dirais terme à terme, on peut pas dire qu'il est vraiment d'héritier, c'est-à-dire de cinéastes dont les films peuvent être comparables aux Amants du Pont-Neuf ou à Mauvais Sang. En revanche, dans l'attitude et le rapport extrêmement romantique, viscéral au cinéma, je trouve qu'un Xavier Dolan me fait un peu penser à lui. Alors son cinéma est très différent de celui de Carax, mais il y a des points communs. Ce côté fiévreux, ce côté très organiquement lié à ses films et à son art, ce côté absolutiste, ce côté très romantique et qui est lié à la jeunesse, finalement. Vous voyez que Cannes se trompe pas et que les prix valent quand même quelque chose, puisque Xavier Dolan en a eu un beau hier. Il y avait beaucoup de films magnifiques qui sont pas du tout au palmarès, quoi. C'est surtout cela qu'on a des regrets. Ça, c'est le festival de Cannes. Bien sûr. Hein, puis les jeux. Il y a deux défauts, c'est la pluie et puis des choix qui sont pas. Oui, forcément. Mais là, il pleuvait pas cette année. Bon, mais c'est les choix qui étaient pas mieux. Les jurys changent chaque année, donc chaque année, c'est de nouveau la roulette. Ce sera le dernier mot, notre dernier mot, le vôtre aussi, Serge Kagansky. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire des amants du Pont-Neuf, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous reviendrons sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, il y a 30 ans et 2 mois.